plus que je suis dans le game, les autres sont sortis. 3 ans que je rappe, j'ai l'impression d'être pris pour cible. J'suis pas du shit, avec toi je ferai pas de détails. T'as voulu me tester avec des paroles, j'te monte en l'air avec une arme. Trop de fous qui me contredisent, mais qui foutent de moi en moi. À moins que votre tard, on vous l'interdit, je les coupe en morceaux comme du porc, sale bâtard. Joue pas trop, arrête mes nerfs, tu risquerais de finir mal. Tu t'es jamais retrouvé avec une balle, t'aimerais savoir ce que ça fait. T'écoutes mes lyricales, c'est parce que t'es jaloux que j'ai percé. Pourquoi t'assumes que derrière un téléphone, moi j'ai pas peur d'être derrière les barreaux. Tu dis que t'as peur de personne, mais quand c'est moi, tu pars en courant, tu me sous-estimes, tu sais pas qui je suis. Je t'influence et tu me dis que je suis petit et déjà dans le bis. Armée lyricale, c'est que c'est mon blast. Ma plume te met des rafales de punch et ça fait mal. Tu l'as senti passer, c'était juste mon flow. Si la prochaine c'est ma vie, t'auras du mal à te relever. J'ai mon équipe derrière moi, ne fais surtout pas le fou. Y'a mes gars qui me défendront, je te dis juste que ton arrière sera flou. Non, non, je le connais bien, tu vas d'être sur le carreau, y'aura mes empreintes sur ce putain de couteau. Amuse-toi si tu veux, dans mon dos, à compter le nombre de couteaux. Ça se compte même pas, y'en a trop. Comme ce que j'ai fait, c'est comme là. C'est certifié authentique.